LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Au début, il n'y avait pas de laboratoire d'éthologie ici. Le laboratoire, on enseignait, mais le laboratoire était en Eure-et-Loir, à Mittainville. Il y a un nouveau bâtiment qui a été créé, et il y a eu des primates, il y a eu des insectes sociaux, et plus particulièrement avec moi, des oiseaux. Dans la tête des animaux, in terra incognita. C'est la particularité de l'éthologie, d'avoir à la fois des étudiants qui sont des naturalistes, écologistes, et en même temps, des étudiants qui s'intéressent plus à la psychologie animale. Quels sont les processus mentaux, quelles sont les capacités cognitives des animaux, des oiseaux, ici. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Donc là, ce sont... C'est des canaris. Ils vocalisent. Ils vocalisent, mais je pense que là, ils sont un peu perturbés, parce qu'il y a du monde, et aussi, ils viennent de prendre leur douche. Mais je pense qu'ils vont se remettre à chanter. Là, c'est des jeunes, ils sont nés l'année dernière. Donc là, ils chantent par là. Il y a des débuts de chant, mais quand ils se mettent vraiment tous à chanter en même temps, c'est assez puissant. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes et où sommes-nous? Alors moi, Michel Kreutzer, je suis éthologue et on est à l'université de Nanterre où j'ai enseigné depuis 1970 et dirigé un laboratoire ici aussi pendant 20 ans. Là, vous êtes au laboratoire d'éthologie qui porte un nom un petit peu plus long, laboratoire d'éthologie, de cognition et développement, parce que depuis quelques années, des collègues psychologues qui étudient les relations notamment entre les mères et les bébés et les vocalisations nous ont rejoints, puisqu'une des vocations de ce laboratoire, c'était d'étudier la communication acoustique. Est-il possible de pénétrer dans la tête des non-humains? Savoir ce qu'ils pensent, comprendre leur agissement? Intégrer et décrypter leurs émotions sans pour autant y coller nos propres représentations. C'est déjà si difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de mon voisin de table, alors dans celle d'une tique, d'une abeille ou d'une mésange, quel défi. De tout temps, nous humains, nous les avons observés, nous avons tenté d'intégrer leur monde intérieur. Ce voyage vers cette terre inconnue, c'est ce que nous propose l'éthologie. Une odyssée sans garantie de destination. De même que les actes des animaux dépendent beaucoup des impressions qu'ils reçoivent, de même aussi leur naturel change suivant leurs actes. Souvent même, ce sont des parties de leur corps qui éprouvent un changement. C'est ce qu'on peut voir sur les oiseaux. Les poules, quand elles ont vaincu les mâles, se mettent à chanter comme eux, et elles essayent de cocher. Leur crête et leur queue se relèvent, à ce point qu'on a de la peine à reconnaître que ce sont toujours des femelles. Il en est même auquel il pousse de petits ergots. Réciproquement, on a vu des mâles, après la mort de la femelle, prendre pour les poussins tous les soins qu'elle aurait pu en prendre, les conduisant et les nourrissant, et allant jusqu'à cesser de chanter et de cocher. Il y a même quelques-uns de ces mâles qui sont tellement femelles dès leur naissance qu'ils tolèrent que d'autres essayent de les cocher. Aristote, Histoire des animaux. Michel Kreutzer, c'est quoi l'éthologie? L'éthologie, c'est l'étude du comportement. Au début, c'est l'étude strictement du comportement. Elle se développe en opposition peut-être à tous les mouvements qui cherchent à... Quelle est la pensée des animaux, quelles sont leurs capacités de représentation, etc. L'idée, c'est on peut difficilement être dans la tête des animaux, donc limitons-nous à ce qui est observable, objectivable. Au moins, le comportement, c'est facile, c'est objectivable. Par contre, objectiver la subjectivité, c'est pas simple. Donc l'éthologie, au début, c'est l'étude du comportement. Mais l'éthologie, depuis, s'est adjointe d'autres approches. Étudier l'animal, son comportement, c'est bien, mais essayer de comprendre ses capacités d'apprentissage, ça a toujours été une des questions que se posaient aussi un peu les éthologues. Et ils ont incorporé dans leurs études, où ils ont dialogué avec la psychologie animale, la psychologie comparée. Grand domaine de la psychologie, c'était l'intelligence, voilà, l'intelligence animale. Et aujourd'hui, on sait que les animaux ne sont pas simplement des êtres qui se comportent, des êtres qui pensent, qui ont des capacités cognitives, mais aussi des êtres qui éprouvent. Ils peuvent éprouver plaisir et déplaisir. Donc la sensibilité, les émotions, vous avez déjà étudié Darwin, les émotions entrent pleinement dans les études éthologiques qui ne se limitent donc plus seulement au comportement. Le plaisir. Thank you. Et si tu as une perdue parole, elle te répondra. Alors l'histoire de l'éthologie, si on la prend chronologiquement, pour moi, elle commence avec la théorie objectiviste de Lorenz et Tinbergen. Bon, parce que les théories qui sont associationnistes, les théories pavloviennes, les théories de l'école behavioriste américaine, sont pas vraiment des théories éthologiques, ce sont des théories qui sont plutôt des théories de psychologie comparée. À un moment donné, l'éthologie, elle se caractérise par l'étude des animaux en nature. Voilà. C'est en nature que les animaux ont à résoudre des problèmes, et la compréhension de leur comportement, c'est en nature qu'on doit l'observer et pas au laboratoire. Ce n'est plus la vision qu'on a aujourd'hui. Cette théorie objectiviste de Lorenz et Tinbergen, elle se plaçait directement dans le cadre de la théorie darwinienne de l'évolution. Chaque espèce aurait ses propres comportements qui permettraient de définir une espèce de la même manière qu'on peut la définir au point de vue génétique ou du point de vue de la morphologie, du point de vue de la physiologie. Et Lorenz et Tinbergen vont énormément insister à ce moment-là sur la stéréotypie des comportements. Voilà, quand on voit une espèce se comporter, eh bien ces comportements permettent de la définir de la même manière que d'autres critères qui étaient utilisés par les naturalistes pour classer les espèces. Donc l'éthologie commence pour vous à partir de Lorenz. C'est arbitraire, parce que je pourrais la faire commencer, comme je disais tout à l'heure, avec Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Simplement, elle reste en jachère. Aristote ne faisait pas d'éthologie ? Pour moi, l'observation, même l'observation minutieuse du comportement, n'est pas forcément une preuve d'éthologie. Pour moi, une preuve d'éthologie, c'est pas simplement l'observation, c'est également d'avoir derrière une grille de lecture, une interprétation, avoir des théories et des concepts. Oui. Dans un vaste nuage, l'éthologie, disons, savante, est contenue dans l'éthologie profane. Il y a eu beaucoup d'éthologies et d'éthologues profanes qui regardaient les animaux, qui faisaient des observations tout à fait pertinentes et qui pouvaient avoir quelques bribes théoriques et conceptuelles. Voilà. Mais en tant que discipline, elle apparaît beaucoup plus tardivement. Si je prends le cas des oiseaux chanteurs ou des canaris auxquels au XVIIIe siècle, en Europe, on apprend des mélodies avec des serinettes, les conditions dans lesquelles il faut les placer pour leur apprendre des chants comme cela, lumière tamisée, qu'ils n'entendent pas de chants d'autres individus de leur espèce, que ce soit émis par celui qui les élève, on ne sait pas comment de manière empirique les auteurs sont arrivés à cela. Mais on sait aujourd'hui pourquoi il faut effectivement s'y prendre comme ça. Lumière tamisée, ça augmente la plasticité cérébrale, ça augmente la période d'apprentissage. Ne pas entendre des modèles de chant de l'espèce, ça permet à l'individu de s'intéresser que au modèle acoustique que lui propose son éleveur et les petites mélodies qui lui sont diffusées par flûte ou avec la serinette. Et d'autre part, la qualité de la relation avec un individu qui nourrit l'oiseau dans une sorte d'attachement. Et il apprend de cet individu-là. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, faut s'y prendre comme ça. Mais de manière empirique, les auteurs l'avaient découvert bien avant. Alors, on peut dire qu'ils faisaient déjà de l'éthologie, mais sans avoir l'ensemble théorique et conceptuel. Vous avez des pratiques éthologiques et vous avez des constructions savantes, scientifiques, éthologiques. Rencontre avec Cécilia Houdelier et Isabelle Georges du laboratoire d'éthologie Ethos de l'Université de Rennes 1 pour nous faire découvrir leur travail sur les cailles japonaises. Isabelle, où est-ce que vous nous emmenez ? À l'animalerie, là où on garde les cailles et où on fait les expérimentations. Donc après, il faut s'équiper normalement. Donc voilà, on met des blouses, des surchaussures. Donc on frappe avant de rentrer pour prévenir les oiseaux. Alors là, je vois sur la porte marqué « caille japonaise ». Voilà, c'est la caille domestique qui correspond à l'espèce caille. Ici, nous avons des mâles qui sont donc placés individuellement parce qu'ils sont en phase de reproduction et il faut les isoler parce qu'ils ne supportent pas d'être entre mâles sinon. Donc les mâles, ils sont plutôt assez marrons en termes de plumage avec un plastron, donc une gorge, et une poitrine marron clair. Et puis au niveau du plumage sur le dos, on a plutôt pareil des colorations allant du marron clair au marron foncé jusqu'au noir. Et donc là, on entend des petites vocalisations qui sont les cris de contact Parce que même si voilà, ils supportent pas d'être dans la même cage, ils communiquent tout le temps en permanence par des petits cris de contact. Ce qu'on entend ici à l'extérieur de la pièce, c'est quoi ? Alors à l'extérieur, c'est le chant des mâles qui est là pour attirer les femelles. Donc c'est un chant très fort puisque les cailles, normalement, elles sont dans un milieu de type prairie. Et donc ils vont chanter dans les prairies pour attirer les femelles. Donc ça va être un chant qui est très fort. Les oiseaux, surtout en ville, là où il y a beaucoup d'humains et tout le bruit que génèrent les humains, est-ce que ça influence le chant des oiseaux ? Ils vont s'adapter un petit peu aux contraintes de la ville. Soit ils vont se mettre à majoritairement chanter sur des périodes où l'humain est peu en activité, donc où il y a peu de bruit humain. Donc ça peut être très tôt le matin, même avant le lever du jour. Et donc, comme ça, ils peuvent faire passer le message dans les chants. Une autre stratégie, ça va être de chanter plus fort, effectivement, pour se faire entendre. Et une troisième stratégie, ça va être plutôt de chanter, d'augmenter la fréquence des sons, parce que le bruit urbain, c'est plutôt des fréquences basses. Du coup, ils vont chanter à des fréquences plus aiguës pour que ça passe au-dessus du bruit urbain. Donc, il y a différentes stratégies. Il y a un fond de paille de... Oui, on met toujours une. Alors, les cailles, ce sont des oiseaux qui passent beaucoup de temps au sol. En fait, on parle d'oiseaux terrestres parce qu'ils passent la majeure partie de leur vie au sol. Et donc, ils ont besoin de litière pour pouvoir effectuer un certain nombre de leurs comportements, puisqu'ils ont l'habitude, en fait, de chercher la nourriture au sol, de faire ce qu'on appelle des bains de poussière qui sont importants pour nettoyer le plumage. Et donc, il faut leur mettre de la litière au sol. Donc, ça peut être la paille, ça peut être des... Nous, on fonctionne avec des copeaux de bois. Ça peut être du sable. Donc là, il y a des mâles et il y a des femelles. Voilà. Par exemple, celui qui nous regarde là devant, il a le plastron uni marron. Donc, c'est un mâle. Et une femelle, bah, par exemple, au fond, à l'arrière, là, vous voyez, elle est plutôt brun. Enfin, le plastron est blanc, tacheté de brun. On reconnaît bien, oui. Oui, oui. Donc, il y a un très fort dimorphisme sexuel chez la femelle. Donc pour nous, ça nous aide beaucoup pour justement identifier les individus. Et cette différence, elle apparaît à peu près vers l'âge de 3 semaines. Vous repérez les individus par comportement ou pas ? Alors oui, en fait, on va utiliser différents tests comportementaux. Par exemple, ça c'est un test classique qu'on peut utiliser où voilà, on met une nouvelle source de nourriture. Et les individus qui vont venir exploiter rapidement cette nouvelle source de nourriture vont être considérés comme moins émotif et on dit moins néophobique. La néophobie, c'est la peur de la nouveauté. Et donc, on a des individus qui vont très vite aller vers quelque chose de nouveau et d'autres vont être plus prudents. Et donc, lorsque l'on fait des tests, on relève le numéro de bague de l'oiseau et donc, on peut associer l'oiseau avec le comportement émis. Et donc, ensuite, on va faire des catégories d'individus potentiellement plus émotifs, plus sociaux, moins sociaux. Et on saura quel individu appartient à quel type de catégorie. Donc la lumière est allumée tout le temps, comment ça se passe ? Alors ils ont un cycle lumineux d'alternant jour-nuit. Donc généralement on leur met, alors si on veut qu'ils, parce que le développement sexuel de la caille est influencé par la photopériode. Donc si on veut qu'ils se développent sexuellement lentement, on va leur mettre plutôt un régime photopériodique d'hiver, par exemple 10 heures de lumière et 14 heures de nuit. Et puis si on veut au contraire stimuler un peu la reproduction, on va faire une photopériode plutôt de printemps ou d'été avec 12 heures de lumière ou 14 heures de lumière. Mais ils ont à chaque fois des phases, comme en milieu naturel, des phases de jour et puis après des phases de nuit complètes. Tinbergen a été l'un des auteurs sans doute les plus intéressants pour les éthologistes, peut-être plus que Konrad Lorenz, parce que il expérimentait beaucoup plus, et d'autre part, il a formulé cette approche de l'étude du comportement sous l'aspect des quatre questions. Quatre questions, il y en a une question qui est de type les causes, quels sont les mécanismes, les déterministes des comportements. C'est un peu de la psychophysiologie. Il y a une autre approche qui est une approche fonctionnelle. À quoi sert ce comportement? Et puis, il y a une approche qui est une approche ontogénétique. C'est comment ce comportement s'est-il développé? Et puis, quelle est l'importance de ce comportement du point de vue de l'évolution de la phylogénèse? Avec Antoine Balzo au Trocadéro, tentons de mettre en application cette méthode des quatre questions de Tinbergen sur un animal bien connu. En Antoine Balzo, faisons un peu d'éthologie. Que voyez-vous ici? Je vois un attroupement des gens, les uns autour des autres, avec quelqu'un au sol qui attire l'attention de tous. Il y a des pots, trois petits pots, une petite balle cachée sous cette balle. Et visiblement, ils sont en train de jouer au jeu de cacher cette petite balle et essayer de la trouver. Quel mécanisme chez l'animal déclenche ce comportement? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs comportements à la fois. Il y a quelqu'un qui est le meneur, qui est là pour attirer l'attention. Il a des comparses qui essayent de faire croire que c'est facile et qu'on gagne facilement pour que les touristes qui passent tentent leur chance et jouent au jeu et évidemment perdent en participant. Quelle est la fonction, l'adaptation, le gain en produisant ce comportement? Il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect, moi, qui m'intéresse profondément, c'est la notion de jeu et d'activité partagée entre les humains. C'est un intérêt pour moi parce que, étant préhistorien, travaillant sur les comportements humains, c'est chouette de pouvoir retracer ça dans le temps, essayer de se figurer à quelle période sont apparus ces comportements. Et c'est intéressant parce que depuis des dizaines de milliers d'années, on retrouve des objets un petit peu particuliers qui étaient probablement des figurines, des objets de jeu. On n'a évidemment pas les règles, pas le fonctionnement, mais on voit bien qu'à la préhistoire, déjà, les humains avaient des activités ludiques. Mais alors, quel est le développement, quelle est l'ontogenèse de ce comportement au cours de la vie d'un individu? Le jeu en lui-même, c'est un aspect très très important du développement des enfants. Ça, c'est très très largement documenté et même plus largement chez les animaux, des mammifères, des primates. On voit que les jeunes individus sont vraiment enclins à s'amuser, à participer, à jouer parce que c'est un mécanisme pour découvrir son environnement. C'est donc pour ça que c'est très important au cours du développement pour beaucoup d'animaux d'avoir ces activités, ces échanges avec d'autres individus du même âge ou des adultes pour connaître les limites, découvrir comment on fait, découvrir l'environnement qui les entoure. Donc le jeu, c'est vraiment un mécanisme extrêmement important dans le développement animal et humain. Il y a une question qui n'apparaît pas dans les quatre questions de Tinbergen, par exemple, c'est la question de la cognition animale. C'est une autre question qui n'apparaît pas dans Tinbergen, c'est la question des émotions, sinon sous forme de communication, dans le cadre d'études de la communication animale, ou bien ce qu'éprouvent les animaux, les souffrances et les plaisirs et déplaisirs qu'ils peuvent avoir dans la vie. C'est pas des questions qui intéressent Tinbergen à ce moment-là. L'animal, il est placé là, il est placé dans une petite boîte et son objectif, c'est d'aller rejoindre des congénères qui sont placés derrière un obstacle. Cécilia Oudelier. Et en parallèle, on peut regarder est-ce qu'il va plutôt contourner l'obstacle à droite ou à gauche, et donc ça rejoint la latéralité. Le travail d'Isabelle. Voilà, c'est ça. On va placer l'animal dans différents types d'environnements et on va du coup, analyser ensuite les comportements de ces animaux. Est-ce que être élevé dans un environnement particulier va influencer l'ensemble de ses capacités comportementales, que ce soit au niveau réactivité émotionnelle, au niveau social, au niveau de ses capacités cognitives. Donc ça, ça fait partie de nous, ce qui nous intéresse d'un point de vue fondamental. Mais après, ça aura des intérêts à appliquer, par exemple dans le cadre du bien-être animal pour les animaux d'élevage. Pour les animaux en captivité aussi, un certain nombre de ces animaux captifs peuvent être réintroduits en nature pour pouvoir augmenter les populations sauvages. Et donc, travailler aussi sur leur environnement captif peut favoriser ce retour en nature. Et donc, au niveau de la latéralité, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Isabelle, à quoi ça sert, en fait, de travailler sur la latéralité des animaux? Isabelle Georges. Ça sert à mieux les connaître, déjà, à savoir s'ils sont latéralisés ou pas. La latéralité, ça a longtemps été considéré comme une caractéristique propre à l'être humain. En fait, c'est une propriété qui est très répandue dans le règne animal. Quasiment tous les animaux sont latéralisés, en fait. Les fonctions de la latéralité ne sont pas encore très claires, justement. On ne sait pas bien à quoi ça sert, finalement. Il se trouve que chez l'être humain et chez d'autres espèces animales, les individus sont latéralisés du même côté, donc en grande majorité. Et c'est vrai que ça, on ne sait pas trop quand est-ce que c'est apparu au cours de l'évolution, pourquoi. Mais le fait d'étudier, en l'occurrence, l'écaille et les poules, ça permet de savoir comment ça se développe, Est-ce que ça va influencer ses rapports avec ses congénères? Est-ce que ça va influencer ses capacités cognitives d'apprentissage, etc.? Sa plasticité, ça veut dire sa capacité aussi à s'adapter à son environnement, par exemple. Dans toutes les populations latéralisées, il y a une part d'individus qui ne le sont pas. Et on se demande pourquoi et à quoi ça pourrait servir. Et une des hypothèses, c'est que les individus non latéralisés seraient plus plastiques, donc plus à même en fait de s'adapter à un environnement changeant. Alors que les individus latéralisés, ou fortement latéralisés, eux seraient plus performants, mais par contre moins à même de changer leur comportement et du coup de s'adapter à un environnement changeant. On peut tester du coup les cailles, voir si elles sont plutôt droitières ou gauchères? Oui, bien sûr, avec le test du détour, on peut regarder. Alors ce test, il est assez simple au niveau du dispositif, parce qu'on a une cage avec des congénères, devant laquelle il y a un obstacle avec une petite fenêtre à travers laquelle un individu va pouvoir voir que derrière l'obstacle, il y a des congénères. Alors, tout est entouré par une espèce d'octogone, un petit peu comme du MMA. Oui, exactement. Donc l'arène qu'on voit en plastique, c'est ce qui contient le dispositif expérimental et c'est l'espace dans lequel l'animal va évoluer. Et le rideau qu'on met autour, c'est effectivement pour essayer d'isoler au maximum des perturbations qu'il va y avoir dans la pièce, et notamment la présence de l'expérimentateur. Donc on a les individus cibles là qui sont déjà dans le dispositif. Et on va poser la boîte dans laquelle il y a l'individu qu'on veut tester. Voilà, on va la poser en face de l'obstacle. Il va forcément aller les rejoindre. Normalement oui, elles sont suffisamment motivées pour aller rejoindre. Après, en fonction des individus, c'est elle qui va décider si elle est suffisamment motivée ou pas pour rejoindre ses congénères. Ça pose la question des dispositifs expérimentaux. Il faut bien évidemment qu'on les pense en fonction de ce que la caille peut percevoir. Je ne peux pas me mettre à sa place. Je reste un être humain, donc je ne peux pas savoir ce qu'elle perçoit exactement. Mais par contre, on connaît quand même des choses sur la caille. On sait qu'elle va percevoir telle ou telle couleur. On va savoir qu'elle perçoit à telle ou telle distance. Il y a des tests qui peuvent montrer ça. Donc on va adapter le dispositif de façon à ce qu'elle puisse, par exemple, voir à travers l'obstacle, la petite fenêtre, que ce soit à la bonne hauteur, que ça fasse la bonne taille, que les congénères soient pas trop loin, etc. Donc on va s'adapter à l'animal. Surtout, ce qui est le plus dur, c'est de savoir ce qu'elle perçoit que nous, on ne perçoit pas du tout. C'est compliqué, parce que nous, on ne le perçoit pas, justement. Donc après, on peut aller tester des choses dans l'ultraviolet ou dans l'ultrason, voir si elles perçoivent. Mais c'est vrai que peut-être elles perçoivent d'autres choses que nous, on ne perçoit pas du tout. Et ça, évidemment, on peut passer à côté. C'est quand même le but de l'éthologie, de rentrer dans la tête des autres vivants? Non, je ne dirais pas ça. C'est plutôt d'essayer de les comprendre, effectivement. Mais rentrer dans leur tête, je ne dirais pas ça. C'est vraiment respecter leur umwelt. Essayer de s'adapter au mieux, effectivement, à leur capacité sensorielle, à leur mode de vie, voilà, est-ce que c'est un animal terrestre, est-ce que c'est un animal aérien? On n'arrivera jamais à se mettre dans la tête d'un oiseau qui vole. On peut essayer de comprendre comment il vole, voilà, mais on n'aura jamais, nous, l'expérience sensorielle que l'oiseau qui vole a, ça c'est sûr. Alors l'umwelt, c'est un concept passionnant qui a été inventé, c'est une vraie invention conceptuelle par Jakob von Uexküll, un biologiste allemand de la première moitié du XXe siècle, qui était un peu passé dans l'oubli, puis les philosophes, notamment Deleuze, tout d'un coup le remettent au centre comme ayant dit quelque chose d'essentiel sur les animaux. Étienne Bimbenet. Il dit être un animal, c'est avoir une umwelt, c'est-à-dire un milieu de vie. Umwelt, un monde autour, c'est-à-dire un monde correspondant aux actions de cet animal, aux actions possibles de cet animal. Chaque animal produit son propre milieu de vie comme étant le champ de ses actions possibles. Mais ça veut dire qu'au fond, chaque animal, et il le dit très, très explicitement, chaque animal est un sujet, au sens fort du terme, c'est-à-dire celui qui organise activement son milieu de vie. Être un animal, c'est être un sujet qui subjective tout ce qui lui arrive. qui relativise tout ce qui lui arrive, qui se promène, comme dit Uscule, avec une petite maison de verre qui est son umwelt, son milieu de vie, son cercle d'action possible. Et je trouve que Uscule, qui a caractérisé l'animal de manière exemplaire, Uscule a par ailleurs posé les jalons d'une anthropologie que moi je trouve passionnante, qui est comment se fait-il que nous, vivants humains, vivant chacun dans des umwelt, dans des milieux de vie culturellement, historiquement relatifs, différents les uns des autres, nous puissions croire pourtant qu'il y a le monde, il y a le même monde pour tous, ce que nous croyons spontanément dans toute perception. Après, bien évidemment, on ne peut pas complètement être dans son monde. L'animal est dans son propre monde, qui n'est pas le nôtre, mais on va essayer de s'adapter au maximum à son monde. Et par où on regarde, nous, du coup ? Alors, on a une caméra dans la pièce, au-dessus, et on a un retour écran dans la pièce d'à côté. Donc, on peut poser l'animal et s'éloigner, aller voir sur l'écran ce qui se passe, et là, on va noter au bout de combien de temps il contourne l'obstacle, de quel côté, etc. Donc voilà, il faut qu'on fasse suffisamment d'essais. Un bon équilibre, c'est 15 essais, parce qu'il ne faut pas non plus que l'individu passe trop d'essais, sinon au bout d'un moment, il va fatiguer, il va se lasser, et avoir quand même une puissance statistique suffisante. Envoyons les cailles, du coup. Voilà, la petite boîte, c'est celle-là. Normalement, il faut que je déclenche un chronomètre. L'animal que je vais tester est dans une petite boîte, dont on va ouvrir la porte. Je vais pouvoir mesurer combien de temps cet animal met à sortir de la boîte, combien de temps il va mettre à détourner l'obstacle et de quel côté il va le faire. En général, on fixe, à chaque fois, on fixe un temps limite. Hein, c'est-à-dire qu'on va dire que le test, il dure maximum 5 minutes. Donc, je vais lui laisser 5 minutes pour qu'elle détourne l'obstacle. Par contre, ça peut être 10 secondes et ça peut être une caille qui ne fait rien pendant 5 minutes. Allez. C'est parti ? Donc là, ouverture de la boîte, et là, elle sort très vite de la boîte. Déjà, elle explore un peu son environnement. Elle s'ébouriffe un peu. Elle est plutôt à gauche pour l'instant. Oui, mais elle n'a pas encore détourné l'obstacle. Donc là, elle est plutôt dans l'exploration de son environnement. Elle voit qu'il y a des congénères de l'autre côté. Et là, elle détourne l'obstacle par la gauche. Et elle rejoint ses congénères. Là, une fois qu'elle est proche de la cage, on estime que le test est terminé. Donc là, elle a mis 31 secondes à rejoindre ses congénères et elle a détourné l'obstacle par la gauche. Là, c'est une caille qui a été rapide dans la tâche et donc effectivement qui n'est pas trop émotive, qui n'est pas trop stressée. On peut en refaire un ? Bien sûr. On va essayer de la mettre une deuxième fois et voir. Ouais. Donc là, on peut recommencer. Avec la même caille, donc elle sort toujours très vite. Et là, par contre, on voit qu'elle passe à droite. Et directement, en 13 secondes. Donc elle a été bien plus rapide, effectivement, hein, que la première fois. Donc peut-être on peut le faire une troisième fois pour voir si vraiment, plus elle va vite, plus elle va spontanément à droite. Elle rouvre la boîte, la caille sort très vite, et cette fois-ci, passe à gauche. Et donc, en quasiment 5 secondes, a rejoint ses congénères. Alors là, en même temps, on voit la difficulté et on voit pourquoi il faut le faire suffisamment de fois. Parce que là, justement, ma caille, elle a tourné deux fois à gauche, une fois à droite. Je ne peux rien conclure avec ça. Donc, il va falloir le faire suffisamment de fois pour que je puisse dire elle a tourné significativement plus souvent à droite qu'à gauche ou à gauche qu'à droite. Le fait qu'on n'ait pas de différence entre droite et gauche n'est pas une absence de résultat, c'est un résultat. Ce qui est le plus probable, c'est qu'elle ne soit pas latéralisée. Ah, t'as pris ? Oui. Ah oui, elle a disparu. Elle a disparu. Elle s'est sauvée, elle est là. L'umwelt, c'est une notion à laquelle Konrad Lorenz était très attaché, parce que dans l'un de ses colloques dans les années 1930, Michel Kreutzer, il dédie sa communication à Jacob von Kunskuhl et à la notion d'umwelt, qu'il a très utilisée. Alors, chaque espèce vit dans son propre monde. Ce monde, il est à la fois un monde perceptif, du fait de ses organes sensoriels et de la manière dont une espèce analyse les informations qui lui parviennent, elle va vivre dans son propre monde, mais pas simplement du point de vue sensoriel, la manière dont elle peut agir dans ce monde. Il est évident, si on prend l'exemple d'un pigeon, un animal qui a des ailes, un animal qui peut voler, un animal qui a 4 types de cônes au niveau de sa rétine, qui peut voir les couleurs même dans l'ultraviolet, là où nous ne voyons pas, eh bien, il vit dans un monde qui est très différent de celui d'une autre espèce animale qui, elle, ne vole pas, a des griffes, a des poils, court sur le sol, une espèce qui ne va pas se nourrir de graines, mais qui va se nourrir de proies qu'elle va dévorer. Donc, chaque espèce, du point de vue perceptif et des actions qu'elle peut entreprendre dans le monde, vit dans un monde qui lui est propre. Voilà. Maintenant, autre chose, il y a l'imaginaire et les représentations dans lesquelles vivent les espèces. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'Umwelt, mais à cette notion d'Umwelt, Jacob von Kunskull, bien qu'il n'ait pas parfaitement défini, il avait ajouté l'Innerwelt, le monde intérieur de chaque espèce. Umwelt, le monde extérieur, l'Innerwelt, le monde intérieur. Et vous, finalement, vous essayez de rentrer dans l'Umwelt du blob ? Oui, on essaye en fait de voir qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il est capable de percevoir pour essayer d'imaginer un petit peu son monde. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'on a toujours nos biais humains. Et c'est très difficile de se débarrasser en fait de notre vision à nous. Audrey Dussutour. Donc il faut toujours essayer d'être extrêmement rigoureux en science. Donc nous, par exemple, on teste des molécules, on essaye de dire ah ben tiens, ça il perçoit pas, il perçoit ses congénères. Donc si il est sur une branche, il doit savoir qu'il y a un congénère à 2 cm de lui. Mais c'est vrai que c'est vraiment difficile parce que même quand on construit des expériences, on est biaisé, on les construit avec notre propre perception. Donc souvent les comportements qu'on étudie chez le blob, c'est peut-être même pas des comportements qu'on va retrouver dans la nature, parce qu'on les aura mis dans des systèmes qui sont tellement artificiels que ça représente pas du tout ce qu'ils vont expérimenter. Donc il faut des fois arriver même à se décoller de la littérature, de ce qui a été fait avant, parce que souvent là, quand on testait par exemple la mémoire chez le blob ou les tests du labyrinthe, c'est des tests qui ont déjà été faits chez des animaux et ils sont peut-être pas du tout pertinents pour le blob. Et c'est pour ça qu'il faut retourner sur le terrain. Ça, c'est très important. Il faut retourner dans la forêt. Il faudrait observer des blobs en forêt, voir comment ils se déplacent, à quelle vitesse ils se déplacent, comment ils vont contourner certains obstacles pour essayer de mieux construire des dispositifs une fois de retour au laboratoire. Jessica Serram. Pour en revenir à l'Umwelt et donc aux sensorialités du chat, par exemple, l'olfaction est extrêmement développée chez le chat et beaucoup plus que chez l'homme. Le chat vit dans un monde d'odeurs, c'est-à-dire que je prends souvent cet exemple des mails. Vous, quand vous ouvrez votre boîte mail, vous avez des messages très importants qu'il vous faut régler rapidement, des messages un peu moins importants que vous enregistrez pour plus tard et puis les spams dont vous n'avez rien à faire mais qui sont là. Eh bien, le chat, lui, lorsqu'il rentre dans votre jardin, c'est un peu la même chose. Il va rentrer dans un monde d'odeurs avec des odeurs extrêmement importantes d'un point de vue biologique pour lui. Des odeurs de chiens, par exemple, qui sont un peu moins importantes et qu'il va enregistrer pour plus tard. Et puis, des odeurs florales ou des odeurs de fruits qui n'ont pas d'intérêt immédiat pour lui et qu'il va finalement classer dans les spams. Donc, il faut se rendre compte de ça. En termes de sensorialité également, on peut parler de la gustation qui, en revanche, là, est très mauvais chez le chat. Et il compense beaucoup ça avec son olfaction, ce qui fait que même si ça n'est pas un bon goûteur, c'est un fin gourmet parce qu'il va sélectionner les aliments grâce à son olfaction qui est extrêmement développée. Et puis, on peut parler évidemment de sa vision. Nous voyons un monde qui est haut en couleur en tant que primate, et comme beaucoup d'autres primates, nous partageons cela. Les chats, eux, ont plutôt une vision pastel du monde, c'est-à-dire qu'ils voient le monde beaucoup moins riche en couleurs. En revanche, ils vont pouvoir analyser les mouvements beaucoup plus rapidement que nous. Ça, c'est grâce à une rétine qui rafraîchit beaucoup plus rapidement. Et puis surtout, ils voient dans l'obscurité, donc ils voient un monde invisible à nos yeux grâce à une petite membrane qui est située à l'arrière de leur rétine qui s'appelle le tapetum lucidum, qui va permettre de capter un maximum de lumière, même lorsque la lumière est infime. Donc là où nous voyons du noir, lui va pouvoir voir des choses dans l'obscurité, ce qui lui est bien utile puisque c'est un prédateur qui peut chasser la nuit. Pendant très très longtemps, en fait, l'éthologie, avant d'être l'étude si on veut une définition sommaire en fait du comportement en fait des vivants, Jean-Philippe Pierron, dans leur relation avec leur milieu, l'éthologie avant d'être ça, c'était une sous-discipline de la philosophie morale. Hein. C'est qu'en fait c'était les liens entre éthique et éthos qui mettaient l'accent sur l'idée que bien l'humain il a une visée pour sa vie, une visée de la vie bonne, c'est ça l'éthique, Mais cette visée de la bibonne, elle est faite de routine, elle est faite d'habitude, elle est faite de stabilisation, enfin ce qu'on appelle nos comportements. Et donc c'est ça l'éthos. Et donc l'éthologie, elle mettait au jour cet aspect-là. Donc il n'y a pas d'éthique sans éthologie. Et donc ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a commencé à faire de l'éthologie du comportement des vivants non humains, les choses ont un tout petit peu changé. C'est-à-dire que soudain, bien l'éthologie, au lieu d'être une sous-discipline, ou en tout cas un élément de la philosophie morale, eh bien, est devenu un élément en fait des sciences de la nature, des sciences du vivant, en reconnaissant en fait que ces vivants, eh bien, étaient capables de monde. Je reprends cette formule parce que il y a un texte célèbre d'Heidegger, hein, qui dit voilà que l'humain est capable de monde, que la pierre n'a pas de monde et que l'animal est pauvre en monde. Et un de ses contemporains, Huxley par exemple, hein, mais on pourrait prendre d'autres auteurs, mais eux vont mettre l'accent sur l'idée justement qu'il y a des mondes animaux, hein, que les animaux sont capables de monde dans la de façon plurielle, que le monde de la tique, c'est pas celui de l'oie. Et donc, à partir de là, la question, c'est effectivement, qu'est-ce que l'éthologie des non-humains nous apprend des humains? Ça revient à le fait de savoir, est-ce que ça nous dit quelque chose de notre exception? Ou est-ce qu'au contraire, ça nous dit quelque chose de continuité possible? Et donc, il y a tout un travail de psychologie comportementale, ou d'éthologie comparée, qui montre que, en fait, dans nos comportements que nous pensions être que des comportements éthiques, donc qui relèveraient de notre arbitrage, de notre décision, de notre conscience, eh bien, plongent dans la mémoire longue des comportements, en fait, des vivants non humains. Et donc, nous solidarise. L'éthologie, c'est une façon de s'intéresser à l'autre. Mais est-ce que c'est finalement pas encore une façon pour l'humain de s'intéresser à lui-même? Alors, je vais vous faire une réponse darwinienne. Nous savons que nous venons d'animaux qui étaient des primates du type lémurien il y a à peu près 7 millions d'années. Il est très important d'avoir en tête ce passé animal. Et quand l'éthologie nous entretient d'espèces actuelles, indirectement, elle nous entretient de notre passé. Elle nous entretient aussi du fait que nous avons été comme ce lémurien, un peu comme ces chimpanzés qui sont nos cousins. Et elle nous apprend cette considération vertigineuse, c'est-à-dire qu'il y a quelques millions d'années, nous étions des animaux dans des arbres, et que s'est-il passé entre-temps? Et donc ce savoir éthologique, il est très important. C'est pas un savoir abstrait ou purement théorique, hein. Il nous concerne viscéralement, si je puis dire. Il faudrait arriver à s'étonner au jour le jour, mais s'étonner au sens philosophique, c'est-à-dire fort du terme, que ça produise des pensées de ce passé animal. Il faudra arriver à se dire, nous l'avons été et il y a eu un long parcours d'hominisation qui nous a transformé assez pour que nous soyons les vivants que nous sommes aujourd'hui, si différents, mais avec ce passé animal. Et ça, l'éthologie, elle est partie prenante de cet étonnement. En fait, je pense que le travail de l'éthologie, il est double. De l'éthologie ainsi comprise aujourd'hui, il est double. C'est que d'un côté, il est une manière de réveiller un rapport que nous pouvions avoir aux animaux en particulier, qui consistait à les appauvrir en ne les lisant qu'à partir d'une approche très mécaniste et qui les rendait en fait un peu soumis à la logique à la fois de l'évolution et que tout en eux était fait à des fins utilitaires. Les travaux de Vinciane Després, de ce point de vue-là, sont importants parce que ce qu'elle montre en éthologue, c'est que il y a dans le comportement en fait des vivants animaux un tas d'éléments qui ne sont pas nécessairement utiles, mais qui pourtant en fait nourrissent et enrichissent des manières de faire monde. Les chants des oiseaux, leurs parures, ne sont peut-être pas tous faits pour la reproduction ou pour la défense du territoire. Bref, on a une approche fonctionnaliste du comportement qui est discutable. Donc l'éthologie fait ce travail-là de réhabilitation, de repluralisation de la compréhension en fait qu'on peut avoir des formes de vie que portent ou que déploient différents vivants. Et à notre égard, à l'égard des vivants humains que nous sommes, eh bien l'éthologie, elle contribue à nous réinstaller dans des continuités de vivants contre la tentation de vouloir nous en extraire et de nous penser, nous, comme une île ou comme un îlot singulier, séparé de l'océan, des autres, de toutes les formes de vie autres que la nôtre. Comprendre le vivant, ce serait aussi intégrer que l'humanité n'a pas l'apanage de l'immatérialité, de l'émotivité, voire même, pourquoi pas à ce compte-là, de la spiritualité. Ludovic Dickel, au laboratoire de Luxemer, s'intéresse justement aux émotions des sèches, à leur sentience. Donc ce sont des sèches qui sont l'équivalent d'adolescentes, hein. Elles ont quelques mois, donc elles font 4 ou 5 cm de long. Manon est en train de tester des sèches à répondre à des informations positives. Alors, des événements négatifs, on sait que les sèches répondent à des événements négatifs, elles changent de couleur, elles lancent de l'encre. Là, ce qu'on essaie de faire, et le challenge, c'est d'essayer de regarder si elles répondent à un événement positif. On part du fait que pour maintenir des animaux dans un élevage, il est important de leur éviter de souffrir ou d'être dans l'inconfort, donc de savoir évaluer leurs émotions négatives, mais il est aussi important de les maintenir dans un état d'émotion positive. Et je pense que c'est le futur challenge des élevages. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir comment elles ressentent leurs émotions. Là, c'est un autre problème. C'est-à-dire que tous les animaux vont exprimer des émotions positives ou négatives, par la fuite, par exemple, hein, la peur. C'est quelque chose qui est exprimé par toutes les espèces, les insectes, les mammifères, les oiseaux. Par contre, on ne sait pas si les animaux vont sentir leurs émotions comme nous, on le fait. Nous, on verbalise nos émotions, on est capable de les évaluer, et on est capable de les exprimer. On ne sait pas si les animaux sont capables de sentir leurs émotions, c'est ce qu'on appelle la sentience. Donc, ce qu'on essaie de faire avec Manon, c'est d'une part de savoir comment elles expriment leurs émotions, l'intensité des émotions. Et puis, dans une deuxième étape, on verra si ça les rend optimistes et si elles ont une façon de se représenter leurs émotions d'un point de vue cognitif. Pour tester l'optimisme ou le pessimisme d'un animal, vous allez lui apprendre à associer un objet avec un renforcement négatif, quelque chose de désagréable, par exemple une boule noire avec quelque chose de désagréable. Vous associez une boule blanche avec quelque chose d'agréable. Donc là, vous allez répéter l'apprentissage plusieurs fois. Et puis, au bout d'un moment, vous allez lui proposer une stimulation ou un objet qui est intermédiaire entre la boule qui était renforcée positivement et celle qui était renforcée négativement. Donc vous allez lui proposer une boule grise. Si l'animal y va, c'est qu'il est plutôt optimiste. S'il y va pas, c'est qu'il est plutôt pessimiste. En 1974, le philosophe américain Thomas Nagel se demande quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris. Cet article pose finalement une des grandes questions de l'éthologie. Avons-nous la possibilité, nous, humains, de vivre l'expérience avec le monde intérieur d'un autre vivant? Isabelle, souhaiteriez-vous vraiment être dans la tête d'une chauve-souris? Personnellement, ouais, moi j'adorerais expérimenter ça, mais... Je sais pas si tout le monde aimerait ça, mais moi, si la possibilité m'était donnée de le faire, je le ferais, ça c'est sûr. Je crois que le monde mental de la chauve-souris, il va peut-être pas être tellement différent du nôtre. Yves Christen. La chauve-souris, elle fonctionne, évidemment, elle a besoin de se déplacer de façon un peu particulière, elle a un régime alimentaire qui est pas tout à fait le même que le mien, etc., etc. Mais in fine, elle a besoin de comprendre le monde. Elle est soumise aux lois de la physique, même si elle a trouvé un moyen pour se libérer de la gravitation universelle, un moyen que je n'ai pas trouvé. Elle se pose en permanence des questions sur les intentions de ses partenaires, notamment sur le plan social. On connaît bien ça chez les vampires, puisque les vampires ont une vie sociale très élaborée. Ils partagent le sang, mais ils partagent le sang uniquement avec des petits camarades qui sont pas égoïstes, ceux qui ont refusé de leur donner du sang quand ils en avaient besoin, niet, ils n'en donneront pas. Vous voyez, donc ils ont toute une série de réflexions, d'élaborations cognitives qui probablement ne sont pas si différentes. Est-ce qu'on est en capacité d'être dans la tête d'une chauve-souris ? Alors ça, c'est une question bien sûr qui revient. C'est les qualia, c'est-à-dire la qualité des sensations que l'on peut avoir. Michel Fratzer. Prendre un exemple, une espèce que nous tous qui vivons dans nos régions d'oiseaux, ce sont les mésanges bleus. Les mésanges bleus, quand nous les regardons, elles sont similaires. Les mâles et les femelles sont similaires. Mais on sait que dans le plumage des mésanges bleus, il y a des réflectances dans l'ultraviolet qui ne sont pas les mêmes chez les mâles et les femelles. Or, nous ne les voyons pas. Par contre, les mésanges bleus possèdent, comme la plupart des oiseaux, quatre types de cônes. Et elles peuvent voir dans l'ultraviolet. Et immédiatement, elles perçoivent un individu, si c'est un mâle ou une femelle. Donc là, on est dans le monde des qualia, le monde de la qualité des représentations. Mais ce que nous ne savons pas, c'est si dans l'ultraviolet, elles perçoivent des nuances, ou si elles perçoivent une couleur que nous ne pourrions même pas imaginer. Parce que les couleurs, elles ne sont pas dans le monde extérieur, c'est une construction. C'est comme dans le cadre de la gustation, un plat n'est pas salé. Il y a du chlorure de sodium dedans. C'est le contact de ce sel avec nos papilles gustatives et ce qu'en fait notre système nerveux après qui donne l'impression de salé, comme l'impression de sucré. Les qualia, ça nous est très difficile de nous les représenter. Très difficile. Et le monde d'une chauve-souris, bien sûr, c'est très difficile d'entrer. On peut faire la description, disons l'éthogramme, l'éthographie de leur mode de vie, de ce qu'elles perçoivent et de les manières dont elles agissent. Mais au fin fond de leur esprit et dans leur mental, qu'est-ce qu'elles se représentent ? C'est très difficile de l'imaginer. Ça vous plairait d'être dans la tête d'une chauve-souris ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne désire pas être dans la tête d'une espèce animale. Bon, alors, attendez. Je m'explique. Par curiosité, oui, mais l'idée même de devenir un jour chauve-souris, non. Si devait être réincarné, il y a bien d'autres espèces que je choisirais plutôt que d'être dans la tête d'une chauve-souris. Et vous, Gilles Boeuf, vous aimeriez être dans la tête d'une chauve-souris ? Pourquoi pas ? N'importe lequel. Préférer un truc sympa, une chauve-souris, pourquoi pas ? J'ai une fille, j'aimerais bien finalement me retrouver chez une femelle qui a toutes ces questions essentielles de la reproduction de groupe, en tenant compte des comportements partout autour d'elle, et puis de la façon dont on peut s'arranger pour s'en sortir dans une grotte avec des virus partout, hein, quand on voit ce qui se passe en ce moment sur les grottes dans lesquelles on va chercher des chauves-souris qu'on ramène sur des marchés ou dans des laboratoires, c'est parfaitement possible, pour les bricoler et puis faire que des choses qui n'auraient pas dû se passer se passent. Et après, qui empoisonne tout le système. Hein. Faut quand même voir que le coronavirus 19, il a 15 gènes. Hein. Nous, on en a 29 000. Diantre. Et on est embêté par ça. On n'a pas l'air con avec nos masques. Là, hein. Je pèse mes mots. Ce qui veut dire en plus que si on continue à avoir ces comportements débiles, aller les chercher dans leur grotte, faut leur foutre la paix. Laissons-les là où elles sont. Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ? Je sais pas, je suis pas une chauve-souris, hein. Et je pense que j'aimerais en fait, maintenir l'embarras à vous répondre. Jean-Philippe Pierron. Maintenir comme insistante en fait cette question, c'est se prémunir de la tentation de croire que nous pourrions cumuler tous les points de vue et nous affranchir de tous les points de vue en ayant un point de vue universel. Donc je sais pas répondre à cette question, mais je pense qu'elle est décisive. Hein. Et si je vous donnais la possibilité d'être une chauve-souris à un court instant, ça vous intéresserait ? Ah oui, ça m'intéresserait. Mais la question d'un rapport à l'espace, en fait, où la question du visuel s'estompe pour être dans une ultra-sensibilité sonore, ça m'interroge parce que, notamment, j'aime la musique et je me demande qu'est-ce que ça pourrait signifier si j'étais une chauve-souris d'écouter un concert de punk un concert de la Philharmonie de Paris, parce qu'effectivement on a des ambiances acoustiques qui sont sûrement sur un tout autre registre que ce que nous en percevons. Donc ça, c'est la question de la pluralité des gammes et la pluralité des palettes en fait qui servent à dire le monde dont chaque vivant est porteur, enfin que la chauve-souris dont on parle tout de suite, en fait, nous donne de percevoir la pluralité. Donc c'est ça que je trouve formidable. Catherine Laine, je vais vous demander, souhaiteriez-vous être dans la tête d'un chêne? Voilà. Alors ça, c'est une jolie question et finalement, je me la pose tous les jours aussi. Parce que je pense que pour comprendre le fonctionnement d'un être et décortiquer ses compétences, ses capacités, eh bien, il faut effectivement se mettre à sa place. Il faut se glisser dans sa peau, finalement, pour comprendre quelle est la contrainte, quelle est la nature de cette contrainte, comment elle peut être perçue et quelle est donc la dimension de la réponse. Donc je pense que oui, c'est important de penser comme un arbre pour celui qui travaille sur les arbres ou de penser comme une chauve-souris pour celui qui s'intéresse aux chauves-souris. Mais vous, ça vous plairait d'être dans la tête d'un chêne ? Ah oui, moi je pense que oui. En plus que finalement, à force de les étudier, de me documenter sur leur vie, je trouve que leurs capacités sont absolument fabuleuses pour survivre là où ils sont fixés. Alors, je m'explique. Moi, en tant qu'homme, enfin en tant qu'homo sapiens, je m'imagine dans sa peau, mais avec mon corps d'homme, ma pensée d'homme, et je me vois donc toute nue, immobile, les pieds fixés dans la terre, ne pouvant pas m'enfuir face aux intempéries, attaquée par tous les grignoteurs qui passent dans le coin, ne pouvant pas étreindre mon partenaire, même si j'en suis très amoureuse, parce qu'il est loin de moi, ou même s'il est à quelques mètres, de toute façon je ne peux pas l'atteindre, je ne peux pas le toucher. Donc en fait, quand je fais cela, je plaque ma pensée, mes émotions d'homme dans la peau de cet arbre. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que imaginer tout cela, c'est effroyable. On ne pourrait pas survivre. Par contre, se glisser dans sa peau en prenant sa pensée, entre guillemets, vous me comprenez, hein, c'est-à-dire en endossant ses problèmes et en étudiant la façon dont ces problèmes sont résolus, alors ça, c'est absolument fabuleux parce que finalement, rien n'est un problème. Cet arbre, il est taillé pour faire face à tous ces problèmes quotidiens. Est-ce qu'on peut parler d'éthologie végétale ? Est-ce que ça existe ? L'éthologie végétale, ça n'existe pas encore. Et en même temps, il y a de plus en plus de chercheurs et de philosophes qui utilisent le terme de comportement pour décrire l'ensemble des réponses d'une plante à une contrainte. Et moi, ça me gêne pas. Parce que le comportement, c'est que fait un animal, par exemple, face à une attaque ? Donc il fuit ou il se défend. Eh bien, on peut se poser la même question du côté végétal. Que fait une plante lorsqu'elle est attaquée ? Eh bien, on connaît maintenant, on commence à décortiquer les mécanismes. On sait qu'elle reconnaît son agresseur, qu'elle est capable de déclencher des réactions de défense, de produire des substances qui vont repousser l'agresseur ou le détruire. Et donc, pourquoi ne pas parler de comportement à ce moment-là ? Donc ça, c'est quelque chose qui, personnellement, ne me dérange pas. Après, il y a des gens qui disent non, dans le comportement, il y a la notion de mouvement. Il faut que il y ait un mouvement animal, une fuite, etc. Mais à cela, les mouvements végétaux existent. Ce sont des mouvements de croissance très lents, mais ils existent. Simplement, on ne les voit pas parce que notre échelle de temps n'est pas la même. Notre temporalité n'est pas la même. Donc, pourquoi pas parler de comportement dans un monde plein de stimulations, de signaux que la plante perçoit, qu'elle intègre, auxquels elle répond. Et donc, ce monde, finalement, qui va rejoindre cette notion d'umwelt que vous évoquiez, l'umwelt, c'est le monde vécu. Il y a le monde des signaux, et puis il y a le monde tel que le perçoit l'espèce vivante. Je pense que c'est une notion qui peut être tout à fait étendue au monde des plantes. Étienne Bamenet, pensez-vous qu'il est possible de répondre à la question du philosophe Thomas Nagel ? Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est une bonne question. Il se donne un animal qui est un mammifère, c'est-à-dire qu'il se donne une chauve-souris qui a des poils sur la poitrine, qui a des mamelles, qui d'une certaine manière nous ressemble, mais de manière très limitée, mais nous ressemble dans ce sens qu'elle est un mammifère, et on peut se dire, oui, bien sûr, elle vit ce qu'elle vit, elle a une conscience, elle est le sujet de sa vie, donc ça c'est très important. Mais l'autre partie de sa démonstration, c'est, mais qu'est-ce que c'est que cet étrange organe sensoriel qui s'appelle un sonar ? Je rappelle que la chauve-souris, lorsqu'elle a besoin de savoir où sont les insectes qu'elle va manger, où sont les murs qu'elle doit éviter, elle crie. elle crie et ça réverbère et elle entend avec ses oreilles où est le mur, où est l'insecte. Donc c'est délirant pour nous, un tel organe sensoriel. C'est incroyablement exotique. Donc à la fois, elle est de notre côté en tant que mammifère, et à la fois, par ses organes sensoriels, par son anatomie, elle est très très très très différente. Et ce que dit Thomas Nagel, c'est deux choses. C'est oui, bien sûr, elle est comme nous un sujet, parce qu'on reconnaît un mammifère comme nous, donc bien sûr, elle a une conscience, elle est un sujet, elle est sujet de sa vie. Mais en même temps, je ne peux rien savoir de cette vie. Parce que au cœur de cette vie, il y a ce que ça lui fait de vivre ce qu'elle vit. Et donc c'est intéressant le fait qu'il se donne une chauve-souris. C'est à la fois une proximité, et en même temps une immense distance. Et là, je trouve qu'il y a dans cette proximité-distance quelque chose de très juste dans notre rapport aux animaux, d'assez fascinant. C'est-à-dire que vous voyez des animaux dans un zoo, vous avez une forme d'intercorporéité immédiate, charnelle. Nos manières d'être, nos corps résonnent les uns avec les autres. Moi, je vois des singes qui montent sur des branches, etc. Bah, fondamentalement, par une forme d'empathie immédiate ou de résonance motrice, ses pattes résonnent avec mes jambes ou avec mes bras. Il a des griffes, pour moi, ça résonne immédiatement avec mes mains. Donc, il y a une forme de proximité charnelle immédiate. Et en même temps, je vois ce petit singe et par une forme de recul immédiat, je me dis, mais quelle est sa vie? Enfin, je n'en sais absolument rien. Et donc la proximité est troublante, mais tout autant la distance. Dans la tête des animaux, In Terra Incognita, avec Michel Kreutzer, Cécilia Houdelier, Isabelle Georges, Antoine Balzo, Jean-Philippe Pierron, Étienne Bimbonnet, Yves Christen, Gilles Boeuf, Catherine Laine. Avec la voix d'Agnès Roux, coordination, Perrine Kervran, attachée d'émission, Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Prise de son, Geoffrey Marianne, Georges Thau, Lucien Lefebvre, Florent Bajon. Mixage, Manuel Couturier, un documentaire de Franck Bessière, réalisé par Anne Fleury.